Chapitre 20e. Madame de Lucilière avait indiqué de la main au baron Lazarus un fauteuil dans le fond de la loge, et elle-même, reculant autant que possible celui qu'elle occupait, avait tourné le dos à la scène. « Vous avez désiré me voir ?» demanda le baron qui paraissait assez mal à l'aise. « Oui, monsieur le baron. Et j'ai cru remarquer que vous n'accueillez pas très favorablement à la demande de mon ambassadeur. Mais, madame, oh, je comprends très bien. » Que vous ayez une certaine répugnance à revenir dans cette loge, qui doit vous rappeler de mauvais souvenirs. » Le baron prit l'air d'un homme qui cherche vainement à comprendre ou à se rappeler ce dont on lui parle. Bon ou mauvais, il était évident que les souvenirs auxquels on faisait allusion étaient sortis de sa mémoire. « Cette loge, » dit-il enfin, car il ne pouvait pas rester bouche ouverte sans rien dire. « Cette loge ? N'est-ce pas dans cette loge, à cette place même, peut-être sur ce fauteuil ? Continua la marquise, que vous avez eu avec M. de Lucilière un entretien dont je faisais le sujet. Un entretien avec M. le marquis dont vous faisiez le sujet? Mon Dieu, c'est possible. Cependant, je ne me rappelle pas du tout de quoi il était question. D'une certaine lettre anonyme. Une lettre anonyme? Et le baron Lazarus parut faire un appel désespéré à sa mémoire. Mais ce fut en vain. Il ne trouva rien à propos de cette lettre anonyme. Ne cherchez pas, dit madame de Lucilière avec dédain. « Je vois que vous ne trouveriez pas. Je vais vous aider. » Cette lettre anonyme parlait d'une petite porte de la rue de Valois. « Comment, vous savez ?»« Le marquis m'a tout dit. Il est inutile de paraître ignorer ce que vous savez parfaitement. De mon côté, je trouve inutile de vous laisser croire plus longtemps que le prétexte mis en avant pour rompre nos relations était fondé. La vraie raison de cette rupture était cette lettre anonyme. Cela ne doit pas vous surprendre, et je présume que vous le saviez déjà. Cependant, j'ai tenu à vous le dire. Avez-vous pu supposer que je connaissais l'auteur de cette infamie? J'ai cru, et je crois que l'auteur de cette infamie, comme vous dites, était vous. Madame. Oh, pas d'indignation, monsieur le baron. Vous devez sentir que je ne m'y laisserai pas prendre. Ménagez-vous, réservez vos forces, ne prodiguez pas votre éloquence en pure perte. Vous en aurez besoin bientôt. Et vous trouverez à les employer plus utilement qu'avec moi. » Elle parlait avec une véhémence que le baron ne lui avait jamais vue, en contenant sa voix cependant de manière à n'être pas entendue distinctement par les personnes qui se trouvaient dans les loges voisines. Mais la violence même qu'elle se faisait pour se contenir rendait son émotion plus évidente. Aussi n'était-ce pas sans une certaine crainte que le baron l'écoutait, se demandant où elle voulait en venir, inaugurant rien de bon d'un entretien commencé en pareils termes. Mais que répondre? Quelle contenance prendre? Avec un homme, le baron, qui était brave, eût élevé la voix, et coûte que coûte, il eût fermé la bouche qui l'insultait. Mais avec une femme, que faire? Les moyens qu'on peut employer avec un homme ne sont pas de mise avec une femme. Et quand cette femme est une marquise de Lucilière, qui ne craint rien et qui est capable de toutes les extravagances, la situation est vraiment difficile. Décidément, il avait eu tort de se rendre à l'invitation du prince Eratov, et il aurait été beaucoup plus sage à lui d'écouter son inspiration première, qui lui conseillait de rester tranquillement dans son fauteuil. Comment n'avait-il pas deviné, après la rupture qui avait eu lieu entre lui et madame de Lucilière, qu'une invitation de celle-ci ne pouvait être que dangereuse? Maintenant qu'il avait commis la sottise de se rendre à cette invitation et de venir dans cette loge, quand et comment en sortir? Comme il se posait cette question, la porte de la loge s'ouvrit, et le duc de Mestosa s'avança vivement vers la marquise, en homme heureux de voir la femme qu'il adore. Cette visite redoubla l'embarras du baron, car il connaissait madame de Lucilière et ses habitudes. C'était toujours publiquement qu'elle s'expliquait avec les gens dont elle croyait avoir à se plaindre, et elle le faisait avec un esprit diabolique, qui lançait les allusions et les mots acérés d'une façon cruelle. Qu'elle eût tort ou raison, elle arrivait toujours à mettre les rieurs de son côté, et l'on ne sortait de ses jolies griffes roses que déchirées aux endroits les plus sensibles, avec des blessures ridicules. Que de fois n'avait-il pas ri lui-même de ses pauvres victimes? Maintenant, c'était à son tour de recevoir ses blessures sans pouvoir les rendre. Mieux valait se sauver lâchement. Il se leva pour céder la place au duc, mais de la main le retint. « J'ai à peine commencé la confidence que j'ai à vous faire, » dit-elle. Puis, s'adressant au duc de Mestosa, qui restait indécis, « J'ai une affaire importante à traiter avec le baron, » dit-elle. « Voulez-vous nous donner quelques minutes encore ?» Et le duc, ainsi congédié, n'eut qu'à quitter la loge. Au moins l'explication n'aurait pas de témoin. Ce fut ce que le baron se dit avec satisfaction. Sachant la vérité au sujet de cette lettre anonyme, continua Madame de Lucilière, vous devez vous demander comment l'idée m'est venue d'avoir une entrevue avec vous. J'avoue qu'en arrivant ce soir à l'opéra, je ne me doutais guère que je vous ferais appeler dans ma loge, et je croyais bien que toute relation entre nous était rompue. À vrai dire, et pour ne pas m'en cacher, je vous considérais comme mon ennemi, et pour vous je n'avais d'autre sentiment que ceux d'une ennemie. Vous voyez que je suis franche. Je vois que vous ressentez comme une sorte de joie affirmer cette hostilité. Parfaitement observé. Mais ce n'est pas seulement la joie qui me fait affirmer cette hostilité. J'obéis encore, en agissant ainsi, à d'autres considérations plus importantes. Je veux en effet que cette hostilité soit bien constatée, bien reconnue par vous, afin que vous ne vous trompiez pas sur le traité d'alliance que je vais vous proposer. Cette hostilité d'une part et cette alliance d'une autre paraissaient tellement contradictoires que le baron laissa paraître un mouvement de surprise. « Quand je me serai expliqué, continua Madame de Lucilière, votre étonnement cessera, et ce qui vous paraît obscur en ce moment s'éclaircira. Écoutez donc cette explication qui vous intéresse plus que vous ne pouvez le supposer, et revenons à la lettre, à votre lettre anonyme. Vous devez penser qu'il ne m'a pas fallu de grands efforts d'esprit pour deviner le mobile qui vous a poussé à faire usage de cette lettre. Vous avez voulu amener une rupture entre nous et le colonel Chamberlain. Laissez-moi vous dire, interrompit-il, que vous vous trompez étrangement. Je ne me trompe nullement. Vous désiriez cette rupture parce que, interprétant notre intimité selon vos craintes, vous vous figuriez que cette intimité rompue, le colonel Chamberlain deviendrait un mari possible pour votre fille. L'occasion était trop bonne pour que le baron ne la mît pas à profit. On attaquait sa fille, il dédaignait de répondre et quittait la place. Il se leva pour sortir. Mais la marquise semblait avoir prévu ce mouvement, car avant qu'il eût pu faire un pas en arrière, elle lui jeta vivement quelques mots qui l'arrêtèrent. « Ce mari impossible alors est possible aujourd'hui, et vous voulez écouter ce que j'ai à vous dire. » Le baron hésita un moment. « Si injuste que soient vos accusations, dit-il enfin, notre ancienne amitié me fait une loi de les écouter jusqu'au bout, pour m'en défendre et vous montrer combien elles sont fausses. » C'était là une étrange réponse, mais la marquise ne s'en préoccupa pas autrement. Ce qu'elle voulait, c'était que le baron demeurât, et il demeurait. Le reste lui importait peu. Elle continua. L'histoire de cette lettre anonyme prouve que vous êtes doué de qualité. Est-ce bien de qualité qu'il faut dire? Enfin, peu importe. Vous êtes donc doué de qualité, puisque qualité il y a, que je ne possède pas. De plus, vous avez, dans le choix des moyens auxquels vous recourez, une hardiesse d'esprit et une indépendance de cœur, qui, j'en conviens, peuvent rendre de très utiles services. En un mot, vous êtes un homme pratique, et voulant le succès, vous ne vous laissez point empêtrer dans toutes sortes de considérations sentimentales ou morales qui sont un fardeau pour quiconque ne sait pas s'en débarrasser. Vous voyez que je vous rends justice. » Le baron fit la grimace. « C'est cette, j'allais dire estime, poursuivit Madame de Lucilière, c'est ce cas que je fais de vos qualités pratiques, qui m'a donné l'idée de revenir sur notre rupture et de vous proposer une alliance dans un but commun, certaine à l'avance que personne n'était capable comme vous d'atteindre un résultat que je désire et que vous désirez plus vivement que moi encore, peut-être, quand vous le connaîtrez. Bien entendu, l'alliance dont je parle n'est point une alliance cordiale. C'est une alliance utile, voilà tout. Vous pouvez me servir, je m'adresse à vous. Je puis vous aider, vous venez à moi. Les sentiments n'ont rien à voir dans ce pacte, ils restent ce qu'ils sont. Mais je vous assure, je vous en prie, ne revenons pas sur cette question. Nos sentiments personnels n'ont rien à voir ni à faire dans l'œuvre commune que je veux vous proposer. Ou plutôt, c'est parce qu'ils sont ce qu'ils sont que précisément je vous la propose. J'avoue encore une fois, madame, que je ne comprends rien à ces paroles. Aussi, avant de savoir si je puis vous prêter mon concours, je vous prie de me dire ce que vous attendez de moi et quel but vous poursuivez. Le but? Empêcher le colonel Chamberlain de devenir le mari de Mademoiselle Belmonte. Le concours, chercher les moyens, les trouver, de rompre ce mariage, qui est à la veille de se faire. Vous voyez que rien n'est plus simple. Ce mariage est à la veille de se faire? S'écria le baron. À la veille est une façon de parler pour dire prochainement. L'époque à laquelle il doit avoir lieu, je ne la connais pas. Tout ce que je sais, c'est que le prince Mazzazzoli, accompagné de sa nièce, a été rejoindre le colonel en Suisse, où celui-ci s'est retiré en quittant Paris. Que là, Carmelita ou le prince, je ne sais lequel des deux, tous deux peut-être, ont trouvé moyen d'obtenir une promesse de mariage du colonel, et qu'ils sont revenus tous ensemble à Paris pour y célébrer ce mariage. Existe-t-il des moyens pour rompre ce mariage? Je n'en sais rien. Mais comme j'ai de bonnes raisons pour être convaincu que vous désirez cette rupture non moins vivement que moi, je m'adresse à vous pour que vous les cherchiez de votre côté tandis que je les chercherai du mien. Sans doute, j'aurais pu agir seul. Mais je vous expliquais tout à l'heure que je vous reconnaissais des qualités que je n'ai pas. De sorte que je n'ai pas hésité à vous demander votre concours en même temps que je vous proposais le mien. Il est certain que nous n'agirons pas de la même manière. Voilà pourquoi, à deux, nous serons beaucoup plus forts. Acceptez-vous ? Le baron hésita assez longtemps avant de répondre. Il est évident, dit-il enfin, qu'il serait tout à fait regrettable de voir un homme tel que le colonel épouser Mademoiselle Belmonte. N'est-ce pas ? J'étais sûr que ce serait là votre cri. J'ai pour ce cher colonel la plus vive amitié. Je l'aime comme un fils. Et il me semble que c'est un devoir d'empêcher, si cela est possible, un mariage qui certainement le rendrait malheureux. Ce brave colonel vient de loin, de très loin. Il ne connaît pas les dessous de la vie parisienne. Il faudrait les lui montrer. Tout en reconnaissant le mérite du colonel, on peut dire qu'il est en lui une certaine naïveté, qu'il expose à être dupe quelquefois de ceux qui l'entourent. J'ai été témoin de sa confiance et de sa foi. Ce fut à la marquise de faire un mouvement qui prouva que le coup du baron avait porté. Il se laisse facilement tromper par son cœur. C'est une qualité, sans doute, mais qui nous expose souvent à de fâcheuses déceptions. Je crois donc que dans les circonstances qui nous occupent, il aurait été victime de sa confiance et de son cœur. Mademoiselle Belmonte n'est pas du tout la femme qui lui convient, lui, si droit, si franc, si tendre, car il est très tendre. Mille raisons rendent ce mariage impossible. Ce n'est pas avec des raisons qu'on ouvre les yeux d'un homme aveuglé par la passion, et sans doute le colonel aime passionnément la belle Carmelita. Savez-vous s'il l'aime passionnément ? Le baron posa cette question avec sa bonhomie ordinaire en regardant la marquise. Je ne sais pas. Vous ne savez pas, moi non plus. Mais je trouve cette passion probable. Carmelita est assez belle pour l'avoir inspirée. Pour moi, je ne connais pas de femme plus belle, et vous, peu importe. Et il me semble qu'il importe beaucoup, car c'est très probablement cette beauté qui fait sa toute-puissance. Sur cette beauté, nous ne pouvons rien, ni vous ni moi. Ce n'est pas avec sa beauté qu'une femme retient un homme. Je n'ai aucune expérience dans les choses de la passion, et je m'en remets pleinement à vous. Je veux dire seulement qu'il est bien difficile de détruire l'influence que Carmelita doit à sa beauté, surtout avec un homme tel que le colonel, qui est fidèle dans ses attachements. Croyez-vous qu'il soit fidèle ? Je ne sais pas. Moi, je crois, et il me semble qu'il n'y aurait qu'une arme qui pourrait agir efficacement sur lui. Laquelle ? Celle qui sert toujours, dans ces sortes de situations. Si épris que soit un amant, il s'éloigne de celle qu'il aime lorsqu'on lui donne la preuve qu'il est trompé. Quelque chose vous fait-il supposer que le colonel serait un homme à s'obstiner dans sa passion malgré une preuve de ce genre ? Décidément, le baron prenait sa revanche, et la marquise sentit que, par le fait seul de l'association qu'elle venait de lui proposer, elle lui avait permis de redresser la tête. Il était utile, il profitait de sa position. Avant de savoir si le colonel s'obstinerait ou ne s'obstinerait pas dans sa passion, dit-elle après un court moment de réflexion, il faudrait savoir si cette preuve dont vous parlez peut être fournie. Et pour moi, je l'ignore. Je l'ignore aussi. C'est donc ce qu'il faudrait chercher tout d'abord, il me semble. Et comment le découvrir ? Une jeune fille qui aurait un amant ne conduirait pas ses amours comme certaines femmes qui se font un piédestal de leur faute. Car il y a de ces femmes, n'est-ce pas, dans le monde parisien, même dans le meilleur. Je n'ai jamais dit que Mademoiselle Belmonte pouvait se trouver dans ce cas, bien au contraire. Et moi non plus. Je vous prie bien de le constater. J'ai dit qu'il pouvait exister certaines raisons de nature à rompre son mariage. J'ai dit qu'on pouvait, en cherchant habilement, trouver peut-être des moyens pour arriver à ce résultat, et c'est ce que je répète. sans vouloir entrer dans le détail de ses raisons ou de ses moyens. Si vous en trouvez qui vous conviennent, je crois que vous en userez, sans qu'il soit besoin de nous entendre. Si de mon côté j'en trouve qu'il ne soit pas en désaccord avec mes sentiments ou mes habitudes, j'en userai aussi. Cependant, puisque nous formons une association en vue de ce résultat, il peut être bon que nous nous concertions quelquefois. Ma porte vous sera donc ouverte quand vous vous présenterez. » Elle se tut. Le baron se leva. « J'aurai donc l'honneur de vous revoir, madame la marquise. Au revoir, monsieur le baron. » Il sortit de la loge. Le duc de Mestosa attendait sans doute ce départ dans le corridor, car la porte n'était pas fermée quand elle se rouvrit devant lui. « Une nouvelle, dit-il en se penchant vers la marquise, que tout le monde répète. » Madame de Lucilière leva les yeux sur lui. Il paraissait radieux. « Et vous voulez la répéter aussi ? » dit-elle. « Malheureusement pour vous, je la connais, votre nouvelle. Le colonel Chamberlain épouse Carmelita, n'est-ce pas ? C'est cela que vous voulez m'apprendre. Il est vrai. Et c'est pour cela que vous paraissez si joyeux ? Eh bien, mon cher, cette joie est une injure pour moi. Cachez-la donc, je vous prie, et tâchez de prendre un air indifférent. » « Ce mariage vous peine donc bien vivement ? Ce que vous dites là est une nouvelle injure, et de plus c'est une niaiserie. » Ce mariage ne me peine ni ne me réjouit. Ce qui me fâche, c'est de vous voir montrer une joie qui prouve que vous n'avez jamais ajouté foi à mes paroles, que vous avez toujours et malgré tout persisté dans vos soupçons ridicules. Si bien qu'aujourd'hui, vous éclatez de satisfaction à l'annonce de ce mariage. Ce que je vous ai dit n'a servi à rien. Il vous fallait une preuve, ce mariage vous la donne. Eh bien, mon cher, cela me blesse et me fâche. Faites-moi donc le plaisir d'aller porter ailleurs votre joie triomphante, ou plutôt cachez-la aux yeux des gens qui se moqueraient de vous. Mais je désire être seul. Cette nuit, vous réfléchirez. Et demain matin, sans doute, vous aurez compris. S'il vous faut quelques jours, ne vous gênez pas, prenez-les. Et le duc sortit la tête basse, beaucoup moins fier qu'il n'était entré. Mais Madame de Lucilière ne resta pas seule comme elle le désirait. Après le duc de Mestosa, ce fut le prince Eratov qui vint lui faire visite. Puis après le prince, ce fut Lord Ferguson. Tous entrèrent avec l'air triomphant qu'avait eu le duc de Mestosa. Tous sortirent la tête basse comme le duc était sorti, car à tous elle fit la même réponse qu'au duc. Seulement elle la fit plus âpre et plus mordante, car la répétition de la même nouvelle, qu'on venait lui communiquer avec des attitudes de vainqueur, l'avait exaspérée. Mais elle n'eut pas à subir ses seules visites, ce qui cependant, dans l'état nerveux où elle se trouvait, était bien suffisant. Dans l'entracte, sa loge ne désemplit pas. Ce fut un défilé, une procession. Tout ce qu'elle avait d'amis, et surtout d'amieux, dans la salle, voulut se donner la joie de venir lui annoncer la grande nouvelle. « Eh bien, le colonel Chamberlain se marie donc ?»« Avec la belle Carmelita, qui s'en serait jamais douté ?» Savez-vous la date précise de ce fameux mariage ? À ses visiteurs, elle ne pouvait pas répondre comme elle l'avait fait avec le duc de Mestosa ou avec Lord Ferguson. Il fallait sourire, bavarder, parler pour ne rien dire. De même, il fallait encore qu'elle gardât continuellement ce sourire et ne s'abandonnât pas aux sentiments qui la troublaient. Car dans la salle, tous les yeux étaient dirigés sur elle. Et quand un nouvel arrivant apprenait la grande nouvelle du mariage du colonel Chamberlain, son premier mouvement était de chercher avec sa lorgnette la loge de Madame de Lucilière.